Difficile, voire impossible, d'être d'accord avec tous. C'est tout aussi difficile de plaire à tous et carrément impossible de faire les deux. Et pourtant, il y en a qui tentent de le faire. Personnellement, je trouve que de croire pouvoir le faire, c'est être très prétentieux ou stupide. Ici, à Réanimation, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Et je puis l'affirmer puisque ni Sinistros, ni moi, ne sommes d'accord avec personne et ne voulons faire plaisir à personne. Et c'est dans cet ordre d'idées que nous vous présenterons ce soir, encore une fois, nos choix musicaux très peu conventionnels, mais aussi pratiquement presque impossibles à comprendre, parce que ce sera le deuxième segment de Mechanical Surgery qui se consacre à la musique industrielle et connexe. Et là, on le sait, que vous ne serez pas d'accord avec nous. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsqu'ils prétendent déplaire à tous, alors que ce sont tous qui leur déplaisent. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are hunted and corporated. Cause we said so. Let's go. Imitation!

Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition des réanimations en ce 20 novembre de l'an de la disgrâce 2018. Je suis Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h, mais cette fois-ci, je devrais changer d'assistant co-animateur. La soirée va être longue. Effectivement, ce sera avec Horace parce que notre pauvre Sinistros, pauvre gobelin pestilentiel, est resté pris quelque part entre son patelin Drummondvillois et ici. Je crois que c'est dans le fleuve. Non, blague à part, Sinistros n'a pas pu descendre aujourd'hui parce que semble-t-il que les conditions routières pour sa diligence ou son petit buggy, selon le cas, n'était pas approprié pour qu'il puisse se rendre faire l'émission avec moi ce soir. Mais qu'il en soit ainsi, malheureusement, je devrais me passer de lui, mais je passerai tout de même ses choix musicaux. Puisque, comment pourrais-je passer à côté de ces énormités musicales et sonores que Sinistro se fait un malin plaisir de choisir à toutes les semaines? Et que je suis donc méchant. Oui! Ce soir, réanimation, ben comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le deuxième segment du Mechanical Surgery. Deux blocs, l'un de Sinistros, que je vous présenterai un peu plus tard, ainsi que le mien, consacré à la musique industrielle et connexe, bien sûr. De même que deux présentations, soit en Lord Dying, en ce qui me concerne, ainsi que pour Sinistros, il vous aurait présenté plutôt, deux extraits du dernier album de Uncle Acid and the Dead Beats. Donc, ça sera présenté pour vous ce soir, ainsi qu'une chronique cinéma, bien sûr, comme à l'habituel, qui cette fois-ci, laissez-moi me replonger là-dedans quelques instants, devrait être, somme toute, assez relativement moyenne. Voilà. Sans plus attendre, nous allons entendre au moins jusqu'à 19h30, le temps que la publicité arrive, donc je vous reviens dans quelques secondes. Mais non, c'est une blague. Je voulais vous dire quelque chose, mais je m'en rappelle plus. Mais c'est pas grave. Peut-être que ça va me revenir. Ah, ben oui, c'est ça! C'est ça! Oui. Merci, Horace, de me rappeler que t'étais là ce soir et que je vais trouver ça très, très, très lancinant comme émission. Non, blague à part, on va aller en pub publicitaire tout de suite et on se retrouve après pour la présentation des premiers choix que Sinistros aurait aimé vous faire entendre. Peut-être que je le ferai pas, là, mais c'est à suivre. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chroniques culturelles et sportives, actualités, arts, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Vous cherchez un endroit chaleureux pour le temps des fêtes? Vous voulez organiser un 5 à 7 ou un party entre amis ou avec la famille? Réservez au Kiyorama. Dans une ambiance chaleureuse et dynamique, le Kiyorama va vous permettre de passer une soirée mémorable. Réservez votre allée de quilles à l'avance au 819-694-0990. Kiyorama Trois-Rivières! Du plaisir à n'en perdre la boule! L'ASK vous invite au spectacle de l'humoriste Guillaume Pinault le 26 novembre prochain dès 19h au 10-12 Pavillon de la vie étudiante. Narrateur et observateur unique des choses de la vie, Guillaume Pinault vous fera rire aux éclats tout en vous faisant du bien. Il est disponible sur lepointdevente.com en pré-vente à 10$ pour les étudiants et à 15$ pour les non-étudiants. The Rock. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Well, je suppose qu'avant de passer au premier bloc de Sinistros, je pourrais peut-être vous décrire ce qu'on a passé initialement en ouverture d'émission. C'était de Los Angeles, California, Fear Factory, la pièce H.K. Hunter Killer, qui est tirée de leur deuxième album, The Manufacture, qui est paru le 16 juin 1995 sur Roadrunner. Fear Factory qui existe toujours, dont la dernière parution remonte à 2015, Genexus. Si je me fie à leur feuille de route, c'est pas mal tout le temps autour de 3 ans environ avant de sortir un album. Ça s'annonce pas pour être cette année encore, mais bon, je suppose qu'on aura droit à un nouvel album des Factory avant longtemps. Donc, il ne reste que 2 groupes originaux. C'est Dino Cazares à la guitare, bien sûr, ainsi que Burton Sibel au vocal. Ce sont joyeux à eux, Mike Heller à la batterie depuis 2012, ainsi que Tony Kempos, qui n'est plus vraiment présenté à la basse et au backing vocal, ex-Ministry Assassino, Cavalry Conspiracy. J'en pense c'est des meilleurs, Prong, Soulfly et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui a une énorme feuille de route. Juste avant, nous avions justement Soulfly du Brésil avec la pièce titre de leur dernière parution, Ritual, 8e album paru le 19 octobre dernier sur Nuclear Blast. Très bon album, honnêtement. Moi, comme je le disais lors de la présentation de cet album-là il y a quelques semaines, je suis vraiment pas un fan j'ai un blanc de mémoire là. Max Cavalera, voilà. Pas du tout, je trouve que c'est quelqu'un de très très minimaliste, mais pas dans le bon sens du terme du tout. Mais par contre, je l'avoue que avec ses formations, il réussit à faire quelque chose d'assez efficace. Sous étiquette Nuclear Blast, Soulfly et en ouverture de bloc, quelque chose de plus ou moins récent, 1997, pour certains c'est excessivement vieux, voire préhistorique, pour d'autres ce n'est qu'une question de quelques décennies. Napalm Death de Birmingham en Angleterre et la pièce titre de Inside the Torn Apart, cet album qui est paru le 7e, le 3 juin 1997, qui était chanté en partie par, je crois que c'était à l'époque, Jesse Pintado, si je ne m'abuse, avec les backing vocals de Barney Greenway, bien sûr. Nous allons poursuivre musicalement avec cette fois-ci, comme j'ai dit tout à l'heure, le premier choix de notre absent Sinistros, qui nous propose un bloc assez trash metal, dans lequel on va retrouver entre autres Creator, mais tout de suite débutons le tout avec A Legion of the Damned des Pays-Bas, avec Undead Stillborn, tiré de leur 2e album, Sons of the Jackal, qui paraît en 2007 sur Massacre Records. Let's go! We'll be right back. 19h42. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show. En ma charmante compagnie, celle du Dr. Pin Pendragon, est jusqu'à 21h, en l'absence de Sinistros, malheureusement, qui a dû rester dans son patelin lointain de la rive sud, faute de pouvoir s'en venir à pied, comme il fait tous les semaines habituellement. Faut savoir que Sinistros part toujours de chez lui le samedi pour arriver le mardi soir ici. Mais là, entre-temps, il est resté pris dans cette pseudo-tempête qui, semble-t-il, serait plus coriace sur la rive sud. Mais il sera de retour, je l'espère, la semaine prochaine. Je l'espère. C'est un grand terme, mais bon. Faut toujours être un peu poli, n'est-ce pas? On vient d'entendre ses choix musicaux, ses premiers choix musicaux de la soirée à ce Sinistros en Exhumer, cette formation allemande qui fait partie des pionniers du thrash metal qui existe depuis sous ce nom, depuis 1985, avec une pause quand même d'une dizaine d'années entre 91 et 2001, une autre pause de 7 ans jusqu'à 2008 pour reprendre de façon, semble-t-il, définitive. Jusqu'à ce jour, nous avons entendu la pièce Brand of Evil qui est tirée de leur quatrième album The Racing Tides qui est paru en 2016. C'est leur plus récente parution en date du 29 janvier sous étiquette Metal Blade. Et en fait, j'ai dit ce sont des pionniers, oui. Et ne serait-ce que pour vous dire que un peu l'historique du groupe, même Von Stein, le bassiste, est aussi dans la formation Skull Pit, ainsi que c'est un ex-Mayhem. On y retrouve aussi Tate Chavio, qui est un ancien de Hemlock, entre autres. Donc, c'est en fait, généralement parlant, c'est des membres du groupe ont une certaine historique musicale en tant que telle. C'est pas vilain, j'avais quand même bien apprécié cet album-là, moi, The Raging Tides, lorsqu'il est paru en 2016. Et spécialement cette pièce-là, d'ailleurs. Juste avant, d'Allemagne, Creator et Impossible Brutality, qui est tiré de leur 10e album, Enemy of God, qui lui est paru le 11 janvier 2005 sur Steam Hammer. Creator qui existe toujours, bien entendu. Et malheureusement, moi, je me détache un peu de ce groupe-là. Je trouve que ce qu'ils font maintenant ne me rejoint plus beaucoup. Mais j'apprécie quand même les premiers enregistrements, et énormément d'ailleurs. On a ouvert avec la formation des Pays-Bas, The Legion of the Damned. Legion of the Damned, c'est une formation qui a vu le jour en 92, qui a marché de 92 à 2005 sous le nom de Huckolt. On l'a dit souvent ici à Réanimation, mais il faut vous le répéter parce que vous n'avez aucune mémoire, vous, là. Formation qui a été quand même, je dirais, c'est légèrement chaotique à un certain moment, pour revenir plus en forme et plus, je dirais, active. Avec l'album Cult of the Dead en 2008, ce qui les a mis un peu plus, je dirais, à l'avant-plan de la scène du trash à connotation par moment death metal, doit-on le dire. C'était la pièce Undead Stillborn, qui est tirée de leur deuxième album Sons of the Jackal, qui est paru le 5 janvier 2007 sur Massacre. Et je sais que Sinistros m'a dit avoir échangé avec l'un des membres du groupe, je peux pas vous dire avec lequel exactement, parce que c'est le guitariste Twan Van Gill ou le chanteur Maurice Swinkles, je sais pas. Mais il a posé la question et dit, est-ce que on peut espérer un jour voir Legion of the Damned traverser vers l'Amérique? Il a répondu simplement « Je ne crois pas, non. Parce que la raison est simple, ça ne marche tout simplement pas en Amérique, notre groupe. » Donc, c'est une formation qui, semble-t-il, a un succès quand même relativement bon en Europe. Mais ici, en Amérique, ça semble être relativement peu connu, d'ailleurs. Bon, c'est un jour, peut-être que les gens vont se réveiller, vont dire « Bon, bon groupe thrash metal, on pourrait peut-être les faire venir. » Mais évidemment, peut-être attendre longtemps pour ça. Il est 19h46 et c'est maintenant le moment où l'auditeur ou les deux ou trois auditeurs de Réanimation qui sont purement et inconditionnellement métal vont quitter l'émission pour aller écouter je ne sais quoi, peut-être des reprises de La Fourchette d'Or avec Sœur Angèle et Guy Boucher, je sais pas, hein, ça doit se trouver sur YouTube, ça. Quoi que ça? Pas nécessaire de les écouter non plus. Parce que c'est le deuxième segment du Mechanical Surgery. Et comme je l'ai dit en présentation, et comme on le dit régulièrement lors des émissions subséquentes, Ben, c'est un segment de 6 pièces généralement, divisé en 2 blocs qui s'adressent à la musique industrielle, IBM et connexe, électro, hein, ben, électro, on s'entend là, c'est pas du rave là, mais la musique électro-industrielle en tant que telle, la musique est souvent assistée par des machines, quoi qu'on y retrouve aussi assez souvent des instruments dits plus traditionnels. Et la première présentation, le premier bloc de ce soir, c'est le choix de mon ami Sinistros. Bon, OK, on s'entend que c'est discutable, là, mais probablement comme tout le reste de ses choix musicaux d'ailleurs, donc, bon, je vais en faire fi, vous présenter ce qu'il y en est. Sinistros a retenu des 3 formations qui ont quand même un certain lien entre elles. Je parle de la formation Rammstein, formation berlinoise, de Lindemann, formation suédoise et allemande, ainsi que Payne. Mais je vais vous faire écouter ce qu'il y en est. Je vais vous dire quel est le lien qui unit ces groupes-là entre eux. Et vous en avez pour 12 minutes environ à être torturé ou sinon à vous régaler. Mechanical Surgery. Let's go.

Pour entendre la meilleure musique et commencer la semaine du bon pied, écoutez Les Palmarès C'est fou. En direct, tous les lundis matins, de 7h30 à 9h30, sur votre Radio Campus, le 89.1 FM. Tu souhaites garnir ton CV tout en ayant un emploi épanouissant? Deviens journaliste pour le Zone Campus. Que tu aimes l'actualité, les sports ou encore les arts et spectacles, c'est l'occasion idéale de t'impliquer et de t'ouvrir les portes du marché du travail. Envoie ton CV et ta lettre de motivation dès maintenant à rédaction.zc@uqtr.ca. Vitamine. C'est fou, 89 ans. Et vous êtes à l'écoute de Réanimation. Et oui, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation. Les Undead Show, The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou. 89.1 FM. Et juste avant cette pause publicitaire, nous avons eu la première partie du Mechanical Surgery qui représentait les choix de Sinistros, absent ce soir malheureusement, ou heureusement pour moi. La formation suédoise Pain et la pièce On Your Knees qui est tirée du premier album homonyme Pain qui est paru en 1997 sur l'étiquette Nuclear Blast. Je dois dire qu'avec les choix de Sinistros, ça avait une tendance métallique, ça n'a pas dû trop vous faire mal. Pain, c'est une formation qui a vu le jour en 96 et qui est formée par Peter Tagdren. Eh oui, effectivement. Juste avant la formation Lindemann de l'Allemagne et de la Suède et la pièce Skills in Pills, tirée de l'album du même nom, le premier paru le 22 juin 2015 sur Warner. Et ça, bien évidemment, c'est une formation encore de métal industriel qui est germano-suédoise, comme vous pouvez pu vous en rendre compte. En disant Allemagne et Suède, je veux dire bien sûr, qui mettent en vedette Till Lindemann, qui est le chanteur et leader de Rammstein, et Peter Tagdren. Voilà. Et on a ouvert avec Rammstein d'Allemande et Berlinois et Zwitter qu'on trouve sur Motor. Le troisième album paru le 2 avril 2001 sur Motor. Et le lien, c'est tout simplement Till Lindemann et Peter Tagdren. Voilà, c'était ça. C'était le lien que Sinistros avait mis dans son bloc. C'est tout un concept. Je suis complètement désarçonné. Le prochain bloc qui est le mien devrait probablement vous faire un peu plus mal par contre, peut-être moins vous y retrouver au niveau du métal, quoique il y a quand même certaines consonances par moment. Je vais vous présenter les formations Mindless Fate, une formation qui vient de Baltimore, qui donne dans un électro-industriel parfois très électronique et parfois un peu plus à consonance guitare. Ça va être le cas avec la pièce If Not Now When. Je vous amène aussi avec Nine Inch Nails, avec The Cleveland, avec un extrait de leur plus récente, leur dernière parution, Bad Witch, qui est paru le 22 juin dernier. La pièce Shit Mirror, qui consonance un petit peu gothique par moment. Faut savoir que Trent Reznor, c'est quelqu'un qui explore énormément puis qui se met pas vraiment de barème. Mais j'apprécie ça, honnêtement. Et on va conclure le bloc avec de Vancouver, Frontline Assembly, FLA, et la pièce titre de ce 10e album Millennium qui est paru le 11 octobre 1994. Voilà. Eh bien, amusez-vous. We'll be right back. Un homme mort qui attend de revivre dans un corps que j'ai fait de mes propres mains. Vous écoutez Réanimation. We'll be right back. Bon, bah ben, tous ceux qui espèrent n'entendre que du métal, c'est le temps de revenir parce que cette portion du Mechanical Surgery, deuxième segment, vient de se terminer à l'instant. Et tant pis pour vous, ce n'était pas heureux, parce que moi, je l'étais énormément. À l'instant, Frontline Assembly de Vancouver, cette formation qui a vu le jour en 1985, je crois, suite au départ de Bill Leeb, qui à l'époque marchait sous le nom de William Schroeder, qui était un membre de Skinny Puppy. Donc, Bill Leeb est parti de son côté pour faire une musique plus EBM. Et s'est joint à lui plusieurs musiciens au fil du temps qui n'ont été souvent que de passage. Mais il aura tout de même été quand même longuement accompagné par Rice Fulbert, qui est parti, qui est revenu, ainsi que Michael Balk. Michael Balk est un musicien à cordes. Lui, il n'est pas à cordes, mais c'est instrument, oui. Et c'est drôle parce que notre ami Sasquatch Bart a déjà travaillé avec Michael Balk. Non pas musicalement, par contre. Ainsi que Chris Peterson et Jeremy Kull, qui est décédé aujourd'hui. C'est Rice Fulbert, ainsi que Jared Slingerland. C'est un trio qui donne dans un électro-industriel très EBM par moment. Et c'était tiré de l'album, c'était la pièce Millennium qui tirait de cet album du même nom. Le dixième album est paru en 1994 et il faisait un virement de 360 degrés, voilà. Radicalement à ce qu'ils avaient fait auparavant, parce que cet album-là, au risque de vous surprendre, mais il est beaucoup plus métal que ce que Frontline avait fait auparavant. Mais en fait, il faut savoir avec FLA qu'il y a des albums qui sont très, très industriels, alors que d'autres sont beaucoup plus électroniques, électro, tout court. Donc, c'est paru le 11 octobre 1994 sous étiquette Roadrunner. Bon, rappelez-vous de l'étiquette Roadrunner qui, à une certaine époque, dont c'était celle-ci, ne signait que des groupes métal. Hein? Bon, voilà. Juste avant, Nine Inch Nails de Cleveland et la pièce Shit Mirror qui est tirée de Bad Witch. Album qui est paru, le neuvième album, en fait, studio complet, qui est paru le 22 juin 2018, cette année, sur Capitol. Et avec Nine Inch Nails, ce qu'il faut savoir, c'est que, ben, originellement, c'est Trent Reznor, hein, c'est lui le maître à penser du concept, du groupe, de la composition. Mais en 2016, si je ne m'abuse, il s'est fait rejoindre par... Attendez un petit peu, là, je vais aller rechercher tout ça. Là, voilà. Par Atticus Ross, qui lui aussi contribue beaucoup maintenant depuis 2016 à la composition, aux arrangements de Nine Inch Nails, qui est une formation que ma blonde aime énormément. Moi, je connais moins la formation qu'elle en tant que telle, mais pour avoir entendu plusieurs de ses écoutes, c'est très large comme musique dans Nine Inch Nails. Pour avoir on a l'impression d'écouter des trames sonores de films par moment et de retrouver des albums comme Downward Spiral qui sont beaucoup plus, je dirais, caustiques, heavy. Et moi, ce que j'ai eu le plaisir de les voir une seule fois au Centre Bell, c'était magistral comme spectacle, je dois le dire. C'était vraiment probablement le spectacle qui m'a le plus impressionné dans ce que j'ai vu. Et j'ai une admiration pour ce guitariste qui est Robin Fink, qui au cours du timeline de l'histoire de Nine Inch Nails est passé assez régulièrement. Il est là actuellement encore, mais ce sont des musiciens qui ne contribuent à peu près presque jamais à la composition. Ce sont des musiciens pour interpréter en spectacle. Mais Robin Fink, c'est un redoutable guitariste. Et en ouverture, c'était la pièce peut-être la plus amère pour vous. C'était Mindless Fate, une formation de Baltimore qui c'est carrément du EBM. Formation qui existe quand même depuis 1995 et qui aurait été à un certain moment donné, comme cet album qui porte le nom de Momentum, leur troisième, recruté par Metropolis, qui n'était pas un album, ce n'était pas une étiquette ou un label premier venu dans le milieu de l'industriel et du EBM. La pièce étant If Not Now When, c'est évident que c'est de l'électro, mais il y a beaucoup de substances très industrielles, en partant le vocal, bien sûr, de ce trio, mais aussi l'aspect, je dirais, plus caustique de ce que font Mindless Fate par rapport à bien d'autres groupes qui sont plus dans l'électro pur et dur, si on veut. Ben, j'espère pas que ça vous a plu, je sais que ça vous a déplu. Ouais, je m'en fous carrément, de toute manière. On va aller faire un tour du côté cinéma. Demain, le 21, c'est drôle, hein, une sortie un mercredi, mais bon. C'est une... comment on dit ça en français? Revisited. C'est une révision, je sais pas, du film Robin des Bois, Robin Hood, un film d'aventure, d'action, qui mettent en vedette Taron Egerton et Jamie Foxx. Donc, c'est en salle demain. Est-ce que ce sera meilleur que ce qu'on a vu jusqu'à présent de Robin des Bois? Lui, quelques-uns dans les dernières décennies qui étaient, somme toute, relativement moyens, je dois le dire. C'est à voir avec ce nouveau Robin Hood. Dans ce que j'ai écouté, eh bien, je vais commencer avec le truc que j'ai le moins apprécié. Il s'agit du film Outlaw King. Un film de 2018, historique, très historique, bien sûr, c'est un drame historique, voilà, aussi épique et d'action, qui met en vedette Chris Pine. Chris Pine, pour vous replacer, ben, c'est le nouveau Captain Kirk dans les derniers films de Star Trek. Et c'est... Ben, en fait, bon, voilà, Outlaw King, c'est une copine qui m'a dit... C'est un peu la suite de Braveheart. Ah oui? Braveheart, pour moi, c'est un des films incontournables du genre moyen-âgeux, épique, action, historique, surtout très historique, qui avait été réalisé et interprété par Mel Gibson. C'est un des meilleurs films, selon moi, dans le genre. Mais en faire une suite 23 ans plus tard, j'étais un peu sceptique. Et alors que ça se trouve être la réalité, c'est après... C'est très près de la mort de William Wallace, de son exécution, où le noble Robert de Bruce, qui aurait été vaincu en Écosse, eh bien, et aurait rapporté allégeance au roi Édouard Ier, le roi d'Angleterre, un tyran s'il en est, eh bien, décide de ressortir l'épée du fourreau et de recombattre l'ennemi anglais. Ben, à la base, je me suis dit, ouais, c'est carrément une suite pour Braveheart. J'ai écouté le film de David Mackenzie et je me suis dit, ben, voilà un film qui a été fait pour la télévision. Avec, oui, de belles reconstitutions, en fait, visuelles, mais un film qui a un scénario qui est passablement, je dirais, j'irais jusqu'à pénible par moment, très lent, beaucoup de longueur. Et finalement, avec, je dirais, plusieurs erreurs comparativement à ce qu'on fait comme référence de l'époque de Wallace. Donc, c'est un film que j'ai trouvé, bof, correct, mais sans plus. Et c'est vraiment le genre de production qui, pour moi, est très peu significative dans le sens où c'est fait avec un budget restreint. Et ma foi, malheureusement, peut-être pas... au niveau de l'aspect visuel, mais le scénario s'en ressent passablement. Autre truc que j'ai écouté, c'est la mini-série Waco, mini-série récente de Drew et John Eric Doddle, qui met en vedette Michael Shannon, que vous reconnaîtrez certainement, ainsi que Taylor Kitsch, qui est très bon dans son rôle de David Koresh. Waco qui raconte l'histoire de cette communauté qu'on leur a baptisé une secte, Waco, Texas, et qui se fera littéralement assaillir par l'ATF, Bureau fédéral des alcools, tabac, institut d'armes à feu explosif des États-Unis. Ça se passe en 93. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, dans l'État du Texas, on permet le port d'armes. On permet peut-être pas d'en avoir pour 20 000 $ à la maison, et c'est probablement ce qui aura alerté l'ATF au niveau de la secte de Waco, qui, je dois dire honnêtement, au niveau de la série, j'ai trouvé que c'était correct, oui, il y avait de bons moments, mais c'est une série qui n'est pas très provocatrice au niveau du spectateur. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont assez platoniens, un peu flatliner, si vous préférez. Mais c'est correct. Mais c'est une mini-série de 6 épisodes d'environ presque une heure chacun. Mais ça décrit vraiment une chose qui, par contre, celle-ci m'aura fort intéressé, c'est de voir un envers de cette médaille, parce que vous savez que le gouvernement américain aura voulu présenter les faits à sa façon, alors que là, cette série, elle est écrite à partir du livre d'un des survivants, Thibodeau, qui aura été l'un des derniers à joindre cette secte et qui aura lui-même eu certains questionnements à savoir s'il y restait ou non, mais qui aura vu une chose absolument aberrante et ahurissante de la part du gouvernement fédéral de littéralement assaillir cette communauté qui, dans les faits, ne faisait strictement rien de mal, qui n'avait pas vraiment d'idées tordues autre que d'être très Jesus freak, et de voir son leader, David Koresh, lui vouloir simplement vivre paisiblement avec sa communauté, avec des idées un peu weird, là, j'en conviens, mais quand même rien de très menaçant, mais en fait même pas du tout, et de voir tout ce mensonge gouvernemental envers la population et la description des événements, de ce qui se passe, c'est vraiment n'importe quoi. Heureusement, doit-on le dire, là, il y avait des médias qui, eux, voyaient clair dans le jeu de tout ça et qui dénonçaient vraiment ce qui se passait. Mais malheureusement, ça l'a très mal fini. Et contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, c'est pas un suicide collectif. Ils ont été littéralement incendiés. Donc, Waco, c'est une série qui, pour l'aspect historique de la chose, peut être intéressante à voir, mais attendez-vous pas à voir un Game of Thrones ou à voir une série aussi spectaculaire que ça. Non, mais c'est quand même divertissant. Il est 20h30, on va aller en pause publicitaire et on revient avec les présentations de la semaine. Tu aimes la pizza et tu aimes économiser? Botan Pizza est l'endroit idéal pour combler les deux. Profite de nos 2-pour-1. On est à 10 minutes à pied de l'université. Profite également de notre salle à manger avec ta famille et tes amis. Botan Pizza, c'est juste le meilleur. Pour plus d'informations sur notre menu, consulte leRestoZone.ca. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. C'est fou, 89.1. 20h32, vous êtes à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, jusqu'à 21h. Je vous parle de nouveautés. Ben, de nouveautés. Non, dans mon cas, ce n'est pas une nouveauté. C'est un truc que je viens nouvellement découvrir, par contre. Mais qui semblait-il... Ben en fait, ça m'est passé complètement inaperçu. Je sais pas pourquoi, parce que je fouille énormément sur les trucs qui pourraient avoir amené une certaine nourriture à l'émission et spirituelle en ce qui me concerne. Je parle de la formation de Portland, Oregon, soit Lord Dying, formation qui donne dans un sludge metal doom. De leur deuxième album qui est paru en 2015, soit Poison Altars, 21 janvier 2015. C'est apparu dans les comme étant nouvellement disponible dans les sites de recherche que j'utilise et je me suis attardé à cette formation-là pour me rendre compte que c'était vraiment le genre dans le sludge, le doom que j'aimais énormément. Comme j'ai dit dans ma petite chronique sur le site de réanimation AD.com, non, il ne s'agit pas d'une nouveauté dans le sens propre, mais bien que pour moi, oui, je viens tout juste de découvrir ce véritable petit bijou du genre Doom Sludge qu'est ce quatuor américain en Lord Dying. Évidemment, la présentation graphique m'a attiré parce que la pochette est fort intéressante, et tant mieux puisque les 8 pièces de ce deuxième album sont toutes très bonnes. Leur lourdeur rythmée, quasi mécanique par moment, dont l'ambiance qui s'en dégage évoque le côté sombre de ce monde, un alliage solide entre les bases du stoner et du doom, duquel ressort ce sludge puissant et très efficace. Soutenu par une bonne production, Lord Dian rehausse les standards du genre avec une musique de qualité parfaitement remplie et directe, le tout enrobé du vocal quasi hurlant de E. Olsen, qui semble enragé. On y retrouve aussi Matt Price, Chase Manhattan et Behold the Monolith. Et voici ce que j'appelle une belle découverte. Je vais donner un 9 sur 10. Je vous propose deux pièces de Lord Dying en Poison Altars. La pièce titre est Offering Pain and Open Mind Center. Je dis réanimation. Let's go. Lord Dying, formation de Portland, Oregon. Deux pièces de leur dernière parution, Poison Altars, qui est parue le 21 janvier 2015 sur Relapse, soit la pièce Offering Pain and an Open Mind Center, et une ouverture de bloc, la pièce titre Poison Altars. J'ai beaucoup aimé. C'est minimaliste, oui, mais en même temps, il y a une espèce de rage qui s'en dégage, là. J'ai vraiment aimé. Deuxième présentation de la soirée étant le choix de Sinistros, et qui, cette fois-ci, s'adresse à la formation de Cambridge, en Angleterre, Uncle Acid and the Deadbeats, qui donne dans un doom psychédélique, formation qui existe depuis 2009, et qui voit le 12 octobre dernier son cinquième album Wasteland paraître sur Rise Above. Personnellement, j'ai pas eu le temps de l'écouter du tout encore. Je vais le découvrir peut-être avec quelques-uns de vous ce soir. Sinistros a retenu les pièces Shockwave City et Blood Runner. On va écouter tout de suite Uncle Acid and the Deadbeats. We'll be right back. 20h51. L'émission tire à sa fin. Oui, effectivement, Ras, tu l'as dit. Oui, c'est ça. Pas été trop fatigant, finalement. Uncle Acid and the Deadbeats, deux pièces tirées de leur dernière parution, un cinquième album, Wasteland, paru le 12 octobre dernier sur Rise Above. À l'instant, Blood Runner, et juste auparavant, Shockwave City. C'est comme je l'ai dit, je ne l'ai pas entendu du tout. Je découvrais ces deux pièces-là en primeur. Ma première impression, que c'est peut-être plus joyeux que ce que j'ai connu de Uncle Acid. J'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai trouvé que le son était un peu particulier, par contre. Très fuzzy, peut-être même gricheux un peu. Je vais devoir faire une écoute plus exhaustive pour m'en faire une meilleure idée, mais ça va l'air quand même assez bien. C'était les choix de Sinistros. C'était la présentation de Sinistros. Je vous rappelle que ce vendredi, ici même à Sifu 89.1 FM, à 11h, c'est Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock, dont je suis. Et cette semaine, j'aurai le plaisir de participer à l'émission avec mon ami Rockmaster Alain Lefebvre pour une émission dite « régulière », entre guillemets, avec les segments habituels de rock classique, c'est-à-dire les éphémérides, les groupes obscurs, les albums classiques, les présentations. J'aurai une chronique, une grande chronique, ce que je raconte là. Une grande entrevue du rock cette semaine qui sera proposée. De 11h à 17h, une vraie émission pour les vrais amateurs de vrai rock, rock classique. Ainsi que ce vendredi, c'est sur SoundCloud, l'émission de notre ami DJ Tower of Death, Subversion. Donc c'est à tous les deux semaines, et c'est ce vendredi 23 que Tower nous proposera un nouvel épisode de Subversion. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir le blog de notre ami Sinistros. Pourquoi je dis tant ça, ami, moi? N'oublie pas d'aller voir le blog de Sinistros, voilà. I know you listen to me. Hurlemort.com, voilà. On va se laisser sur un dernier bloc, justement, de Sinistros, qui a cru bon nous faire revivre quelque peu le hardcore à tendance punk ou crossover des années 80, mais aussi de cette année en la formation québécoise Kick-Ass X-Violence, avec un titre que je trouve fort rigolo, des Immigrant Song. Faire un petit clin d'œil à Led Zeppelin avec Immigrant Song, bien sûr. On va entendre aussi DRI de San Francisco avec Couch Slouch, qui est tiré de Dealing With It, leur premier album paru en mars 85, ainsi qu'une pièce, et jamais j'aurais cru entendre ça ici à Réanimation, une pièce de The Exploited de Edinburgh en Écosse, formation qui, semble-t-il, aujourd'hui serait un peu plus métal. Complètement perdu de vue la formation. Je crois que c'est depuis Horror Epics. Bon. Donc, une pièce tirée de leur troisième album, Let's Start a War, Said Maggie One Day, qui est paru en décembre 83 sur PAX, la pièce Psycho. Et je vous dis à la semaine prochaine, parce que semaine prochaine, c'est la dernière émission du mois, c'est la présentation des albums marquants de Sinistros et de moi, et qui s'adresseront respectivement, en ce qui concerne Sinistros, à Metallica, Kill 'Em All de 1983, et moi à Slayer, Hell Waits de 1985, et je vous présenterai le nouveau mini-album, EP, de Sodom qui paraît ce vendredi, soit Partisan. Donc, ce sera les présentations de la semaine prochaine, en plus du reste qui se tient tout simplement pas debout. Donc, on se quitte avec les choix de Sinistros et jusqu'à mardi prochain, n'oubliez pas d'aller tous vous faire foutre. See you!

Come on.